Salut à tous, c'est la 101ème émission sur Make It Deep. Hein. Après la 100ème, j'espère que vous avez écouté d'ailleurs les 3 heures de mix qu'on vous avait concocté avec la bonne brochette de copains qui était venu au studio pour célébrer cette 100ème avec nous. Voilà la 101ème, on repart pour un nouveau cycle de 100 émissions, espérons-le, où nous serons en compagnie cette fois-ci de DJ 1-2 qui viendra répondre à nos questions en seconde partie d'émission et nous délivrer un set d'une heure environ. Avant ça, évidemment, comme d'habitude et comme chaque semaine, un rappel événementiel, puisque là c'est très très dense nous concernant pour cet été. Je commence avec samedi, effectivement, un système son dans la prairie. On organise une teuf en journée, un open air de midi à 22h dans la ferme d'agriculture urbaine de la Sauge, montée à Bobigny. Donc voilà, grosso modo, le délire c'est un poulailler géant, un grand champ de paille dans lequel vous pourrez faire la sieste, des ateliers d'agriculture, comment planter des radis, comment planter des patates, enfin je sais pas encore ce qu'ils nous ont prévu, une kermesse, des terrains de volley, terrains de pétanque, terrain de badminton et aussi et surtout 7 kilowatts de DNB posé dans cette ferme là avec derrière les platines des copains comme d'habitude Schinner de Panam, Into the Deep et Unart qui viendront nous régaler donc pendant de midi à 22h avec le Make It Deep Sound System évidemment aussi qui sera en clôture de cet événement. Donc voilà, ça s'annonce énorme, c'est gratuit, c'est toute la journée, open air donc midi 22h, soyez présents. Voilà, vous sortez à la station Bobigny Raymond Queneau, il y a environ 7-8 minutes de marche le long du canal, c'est très sympathique, et ensuite vous arrivez dans ce petit îlot de verdure et ce petit îlot champêtre que nous a concocté la Sauge, et c'est vraiment à découvrir samedi. Ensuite, on enchaîne très rapidement puisque mercredi soir, rebelote, nous serons pour la deuxième fois devant l'Ave Maria rue Jacquard, donc dans cette petite impasse à 3 minutes de la station Oberkampf, pour célébrer la musique de 18h à minuit. Là encore, évidemment, c'est gratuit. Là encore, 7 kilowatts de DNB posés, mais cette fois-ci en plein Oberkampf, donc je peux vous dire qu'on va faire vibrer les fondations de tous les immeubles à côté. Et derrière les platines, encore des copains avec Ségur, KM3, AKA, Jetboy et d'autres surprises qu'on vous révélera ensuite. Et évidemment, encore le Make It Deep Sound System qui sera présent à cet événement pour ambiancer là encore les dernières heures de la soirée. Ça s'annonce extrêmement lourd, venez nous supporter. Voilà, et puis je tease un petit peu à l'avance, mais il y aura a priori 200 mannequins qui viendront faire un Soul Train à 21h30. Voilà, qui débarque de l'atelier Meraki où un défilé est organisé. Donc à tous les célibataires, c'est le moment de pécho. Ensuite, et là c'est la grosse date, hein, on va pas se le cacher, vous l'avez sûrement déjà vu passer, nous serons avec les copains de Brief l'Establish le 13 juillet à la plage du Glazart où on vous a concocté un plateau juste hallucinant, puisque vous pourrez voir Glenn Underground, Rick Wade, Flaber, Nick V, le Modern House Quintet, tout cela de 19h à 7h du matin pour ce qui s'annonce être juste la teuf de l'été, hein, la teuf de l'été à la plage, aucun souci là-dessus, je pense que c'est déjà acté. Voilà. Oui, histoire de faire un petit peu d'autopromo, non, vraiment ça va être mortel. Et c'est pas trop cher, les places sont déjà en vente, vous les avez à 10€ en early burn. Donc dépêchez-vous, ça va partir assez vite. Voilà pour les rappels événementiels. Sinon, comme d'habitude, on va enchaîner avec les sorties de la semaine, on s'envoie un petit jingle, et puis Léo qui est assis avec moi, qui est fraîchement rentré de Madrid et de Porto, a ramené dans ses bagages voilà, quelques petites pépites qu'elle va nous faire partager. Côté sortie, du coup, on a trouvé beaucoup de repress cette semaine, mais il y avait quand même de quoi faire dans les nouveautés, avec pour commencer le nouvel EP de The Black Pony Orchestra. Si l'on ne sait pas grand-chose de ce ou ces artistes, on peut affirmer qu'avec 3 disques sortis sur le label du même nom, The Black Pony Orchestra est une petite affaire à suivre. Le dernier né s'intitule Let's Funk and Swing on Acid. Il se limite à 300 copies et contient 3 morceaux dont les titres parlent d'eux-mêmes. Si l'image des Blues Brothers que l'on retrouve sur le disque pourrait porter à confusion, le mélange de groove, de house, de tech et même d'acid du coup confirme l'originalité d'un artiste mystérieux, mais à suivre de près tout de même. Ma sortie remarquée de la semaine, c'était le 3e EP du label Record Deep. La maison hexagonale a ouvert ses portes l'an dernier et propose déjà un catalogue riche et éclectique. Après Hit, HZ et Bocage, c'est Dixia Sirong qui est aux manettes de la 3e release du label. L'artiste français propose un EP de Deep hypnotique à écouter sans modération, en attendant de connaître le nom du prochain artiste choisi par Record Deep pour développer sa branche hors série, déjà ouverte par Mimo et MJOJ l'an dernier. Enfin, cette année, pardon. Et big up à Nantes. Ouais. Et parmi mes sorties préférées de la semaine, j'ai trouvé un Various sorti par Melodymatics. Le label belge lancé en 2013 a en tête de ne promouvoir que des nouvelles têtes du paysage électronique et c'est une nouvelle réussite avec Lost Tapes. Cette compilation ouvre le bal d'une nouvelle série pour le label qui propose pour ce numéro Sue Avenue, Lou York ou encore G. Marcus qui sont de la partie donc pour un Various rafraîchissant, groovy et jazz. J'en arrive du coup à mon premier coup de cœur qui est signé cette semaine Baltra. Depuis son premier EP sorti en 2014, le DJ et producteur américain sort 3-4 EP par an et tourne un peu partout. On l'avait déjà trouvé sur Safer at Night, 96 and Forever Records ou encore Step et IDNK. L'artiste n'a pas chômé et après une année 2016 très en forme, Baltra est de retour en 2017 avec Rendez-vous EP. Le nouveau 4 titres est sorti sur Lost Palms, sub-label de Shall Not Fade, à suivre de près également, et qui contient notamment un remix signé DJ Seinfeld, de la même team du coup. Et on s'écoute un extrait tout de suite, Rendez-vous de Baltra, c'est sur Make It Deep. Premier coup de cœur signé Baltra, le titre c'était Rendez-vous et il est extrait de l'EP du même nom qui vient de sortir sur le label Lost Palms. Je passe tout de suite à mon second coup de cœur. On était déjà au rendez-vous pour l'arrivée du tout neuf label français Daydream en février dernier. Pour ce 01, MJOJ était accompagné de Porter et Walker pour un EP très réussi. Cette semaine c'est The Blacktone qui prend les commandes du label avec Daydream 02. Tony B, qui se cache derrière ce pseudonyme, s'initie à un 3 titres de deep plutôt atmosphérique accompagné d'un remix d'MJOJ toujours présent avec le label. Et avec seulement 2 sorties, le label entame sa construction identitaire et musicale. Et on ne peut que vous conseiller du coup de le suivre d'un bon œil puisque pour l'instant tout ce qu'ils ont sorti annonce que du bon. Et tu nous as refait tes noms chelous là. Ouais. C'est M-Jog. M-Jog, ok. C'est plus pour être clair à la radio, tu vois, que les gens sachent quoi taper sur Google. Du coup, on s'écoute ça en full tout de suite. The Blacktone avec Phaser, c'est tout de suite sur Make It Deep. Voilà, mon second coup de cœur cette semaine, c'était donc ce morceau qui s'appelle Father. C'était The Black Tone et ça vient de sortir sur le label Daydream. Voilà, merci beaucoup Léo. J'en viens maintenant à mes sorties de la semaine avec très rapidement pour commencer un petit EP sympathique d'un artiste qui s'appelle À la Carte qui sort un EP intitulé 001 sur À la Carte Spain. Donc voilà, le mec, on a compris, s'autoproduit. C'est une micro-dip de qualité en provenance de la péninsule ibérique. Voilà, pour un premier EP pour un très jeune artiste qui annonce de belles choses pour la suite, même si l'EP reste classique. Hein, y a pas de quoi se taper le cul par terre, mais sympathique pour notamment. Pour le passer en set tranquillement. Ensuite, j'en viens à un EP beaucoup plus intéressant dont Léo vient vous parler, intitulé The Black Tone sur Daydream France, intitulé Daydream 02. C'est un EP de deep froid, atmosphérique, qui s'adaptera parfaitement aux open air de début d'après-midi, après que des pintes englouties à l'heure du déjeuner, combinées à la chaleur accablante, ne vous aient quelque peu alourdi les gambettes. Concernant The Black Tone, il s'agit en fait de Tony B, producteur français reconnu par ses pairs et membre notamment de l'excellent label Rotenticity fondé par Fulbert. Concernant le label Daydream, nous l'avions déjà fait découvrir à travers une avant-première du titre Peace at End de M-Jug qui était sorti sur le premier EP de Daydream France, un très joli Various qui avait fait un peu de bruit à sa sortie cet automne. Ils s'initient leur second opus qui présage du meilleur pour la suite. Un EP extraordinaire maintenant, c'est celui de Darren Land, intitulé Heaven Electric Part 2, sorti sur Pulp Spain. C'est la bonne pioche pour les amateurs de deep cette semaine, c'est donc le nouvel EP du producteur américain. Un 3 titres de toute beauté, plus un remix incroyable de Linkwood, et la recette fait mouche. Moins deep et plus mélodieux qu'à son habitude, l'artiste américain domicilié à Buffalo connaît une seconde jeunesse depuis quelques années, avec plusieurs excellents EP à son actif, dont notamment un sur le label de nos amis d'Into the Deep, Confluence Records. Ce nouvel opus a tout pour séduire, à la fois l'amplitude extraordinaire des kicks et de la basse, caractéristique de l'œuvre de Darren Land, mais aussi quelques accords doux et jazzy et délicats que nous lui connaissions moins. C'est sorti sur Pulse Pain, donc, qui est un label lancé en 2013 et qui compte aujourd'hui une petite dizaine de sorties à son actif par des artistes tels que Chris Gray, qui était d'ailleurs le fondateur de Deep for Life, ou de Vincent Floyd. Un autre EP maintenant que j'avais envie de vous chroniquer, il est l'œuvre de Doug Joy, un EP intitulé Cité des Arts, sorti sur Sunken Rock. C'est une excellente surprise avec un sublime maxi d'un artiste que je ne connaissais pas. Avec Cité des Arts, Doug Joy nous offre un aller simple dans le meilleur du Chicago 90s, à la fois dancefloor et atmosphérique, puissant et lyrique. On découvre une véritable narration sonore sur un format pourtant restreint, et cela est assez rare pour être mentionné. Gros coup de cœur pour Track 3, qui nous rappelle certaines des meilleures productions de Spectre. Je n'ai que très peu d'informations concernant l'artiste et le label, je peux simplement vous dire que c'est le premier maxi du jeune compositeur, et la troisième sortie du label qui a été fondée en 2015 à Stockholm. J'en viens tout de suite à mon mini coup de cœur, puisque étant donné que mon Mac m'a lâché hier soir dans la soirée, voilà, paix à son âme, j'espère qu'il va s'en sortir... De manière plutôt soft pour mon portefeuille. En tout cas, voilà, ça va être un peu réduit cette semaine et j'en viens donc tout de suite à mon mini coup de cœur qui est l'œuvre d'un artiste hollandais qui s'appelle Elias Mazian qui sort un EP intitulé Duplicate sorti sur Voyage Direct Hollande. C'est mon mini coup de cœur. Il nous vient de cet artiste qui signe son deuxième EP, toujours d'ailleurs sur le label Voyage Direct Hollande, qui est le label qui a été fondé par Tam Trago en 2006 et qui s'est progressivement imposé comme l'un des moteurs de la nouvelle scène hollandaise avec de nombreuses signatures extrêmement connues. C'est un 4 titres de deep langoureuse aux fines touches new wave et sound pop, mais avec des accents dancefloor prédominants. Et on va s'envoyer tout de suite un extrait de cette EP avant de se retrouver pour mon coup de cœur de la semaine. nobody left for you. You better duplicate, cause two is more than one. So why don't you step in the machine that makes you cool? When there's nobody left for you, you better duplicate, cause two is more than one. So why don't you step in the machine that makes you cool? When there's nobody left for you. Voilà, c'était Duplicate de Elias Mazian, sorti sur Voyage Direct Hollande. Un dernier EP que j'avais envie de vous chroniquer, ensuite on passera à mon coup de cœur. Cet EP, c'est l'EP de Fake Left, intitulé Borders Night Train, sorti sur Rubadub. Donc dans le style breaké analogique, Fake Left vient de sortir un deux titres que l'on peut qualifier de petits bijoux sur Rubadub. Donc voilà, du broken beat à la limite de la jungle, deep, un peu acide, extrêmement riche, que je vous conseille de découvrir très rapidement. Et le producteur dont la nationalité m'est encore inconnue d'ailleurs signe ici sa quatrième sortie après trois premiers opus sortis sur Yes Records, sur lequel j'ai quasiment aucune info. On est dans quelque chose de très obscur là. Par contre, je pense que j'ai pas besoin de vous présenter évidemment Rubadub, qui est le label le plus emblématique de Glasgow en matière de musique électronique et sur lequel on compte des signatures telles que Deep Corn, Molgrab, Claude Young, Fotek, Lord of the Isles, entre beaucoup d'autres. Et mon coup de cœur de la semaine nous vient d'un vieux de la vieille, AB, avec The Motion Syntax, sorti sur DMK, énorme EP du producteur californien originaire d'Oakland et désormais installé à Berlin. Un 4 titres sans aucune faiblesse qui nous cloue à la chaise de la A1 à la B2. Tantôt smooth et deep comme sur D-Chicks ou Nukeln Koibas, AB se veut plus rentre dedans avec l'acid house moite de Belt ou encore plus mental avec la deep tribal de Notes. Un véritable must-have dans la liste déjà bien chargée des maxi du patron de Deep Black Records. Je n'ai en revanche rien trouvé sur DMK et on conclut que c'est un label qui signe ici sa première release, ou plus probable qu'il s'agit d'un sub-label de Deep Black lorsqu'on connaît la propension qu'a AB à se produire lui-même. On va s'envoyer le A1 de ce sublime maxi qui est intitulé D-Chicks. Voilà, AB avec D-Chicks, on se retrouve juste ensuite avec la revue de presse de Léo. Vous êtes sur Make It Deep. We'll be right back. Voilà, c'était IB avec 10 chicks sur Make It Deep. Et franchement, allez checker tout l'EP parce que tout est vraiment. Enfin, il n'y a pas un track qui ressemble à l'autre. Et donc, du coup, il est très très riche. Et pour moi, c'est vraiment un très très bel EP. Donc, allez le checker un peu plus en profondeur. C'est à Léo maintenant d'enchaîner avec sa revue de presse. Comme chaque semaine, je te cède la parole après un court jingle. Berlin innove en proposant de découvrir son patrimoine musical à travers la pédagogie. Du 20 au 24 juillet, l'Université des Arts de la ville organisera un parcours dédié à la scène techno-berlinoise et de l'aspect économique à l'idéologique. Tout sera abordé afin de tout savoir sur l'émergence de la musique électronique et son évolution depuis la chute du mur. Et si ces cours limités à 20 personnes coûtent tout de même 500 euros, l'idée de voir les aspects vraiment pédagogiques de la musique se démocratiser est une très belle information. Côté événementiel, la fête parisienne, les open air et les festivals battent leur plein, pendant que la Bellevilloise tente d'ouvrir son propre lieu éphémère. Installé à l'emplacement de la miroiterie Squat Punk de Belleville, le nouvel espace en plein air accueillera des concerts, des apéros, des marchés concepts, bref, de quoi s'occuper pour tout le monde, avec une entrée gratuite pour couronner le tout. Ça s'appellera le 88 Ménilmontant et ça ouvre dans quelques jours et tout ça refermera ses portes le 30 septembre prochain pour les travaux. Événementiel toujours avec le collectif New Track qui nous épate. Si on les suit depuis leur début et leurs apéros BPM estivaux, il y a de ça quelques années déjà, le collectif a pris du poil de la bête et s'est mis à voir bien plus grand. En octobre dernier, on découvrait Warehouse Alternative, un nouveau concept de soirée dans des lieux immenses avec le line-up qui va avec. Après la grande halle de la Villette et l'espace Chevrolle, c'est au pavillon Baltar que New Track propose sa nouvelle soirée. Ce sera le 15 juillet de 16h à 7h avec Lacouti, Marion Poncé, No Graphic en live, Mister Raouika, Pouvoir Magique, Moms, Romain Dafalgan et de gros secret guests qui ne sont même pas encore annoncés. La bonne nouvelle de la semaine, c'est le retour à l'ordre du jour du projet Réinventer Paris. Nous vous en avions déjà parlé lors de son lancement il y a 2 ans par Anne Hidalgo. Il s'agissait de redonner vie à des espaces abandonnés, vides ou inutilisés dans la ville grâce à des idées soumises via un appel d'offres sur Internet. Architectes, artistes et urbanistes sont donc invités à soumettre leurs projets d'ici le 15 novembre pour pouvoir rénover, réhabiliter ou simplement redonner vie à 34 lieux différents. Ça va d'anciennes stations de métro à la discothèque La Main Jaune, en passant par des tunnels, des parkings et même des bassins. Tout sera possible. Et l'exposition originale de la semaine, c'est celle de la Cité de la Musique qui est dédiée à la musique des jeux vidéo. C'est du 16 au 18 juin et l'espace dévoilera un parcours sur l'évolution historique et chronologique des machines, des consoles et des sons que l'on pouvait y trouver, des musiques originales de jeux et la participation de nombreux artistes à la création de certaines bandes-sons depuis les débuts de tout ça. La place de la musique électronique donc dans cette histoire est elle aussi largement abordée sous plusieurs angles différents et donc ça a l'air très intéressant, la musique dans les jeux vidéo. C'est du 16 au 18 juin à la Cité de la Musique. Et pour conclure cette revue de presse, on va découvrir le vinyle du pauvre choisi par notre digger Julien. Cette semaine c'est Where I Live, un disque de 10 titres sorti en 2003 sur Bombay Records avec Dennis Ferrer, Kerry Chandler, Kenny Bobbien et UFP en featuring avec Roy Ayers qui signe donc ce morceau que l'on va s'écouter tout de suite, Zola Rae, extrait du disque Where I Live. C'est dispo à 5€ sur Discogs et on s'écoute sur Make It Deep. Voilà, le vinyle du pauvre choisi par Julien cette semaine. Le titre c'était The Larae du FP en featuring avec Roy Ayers. Et ça coûte 5€ sur Discogs. Voilà, et c'est pas cher. pas cher. En conclusion, rapidement l'agenda du week-end et après on passera à la première et puis après à l'interview de DJ 1-2 qui est avec nous dans les studios, qui attend patiemment, qui commence à se faire un peu chier d'ailleurs, on le sent. Vendredi pour commencer, Open Minded qui ouvre sa saison à la plage du Glazart avec un très joli line-up, il faut bien le reconnaître, peut-être pas autant que le nôtre le 13 juillet, mais très beau line-up quand même, avec Fred P, Moomin, Sunstream, Elliot Litrovski et beaucoup d'autres, enfin et quelques autres en plus, mais voilà. Surtout Fred P, Moomin, Sunstream, Elliot Litrovski, donc pour une très belle soirée Open Minded en ouverture de leur saison à la plage. Samedi maintenant, si on fait abstraction évidemment de notre soirée, enfin de notre après-midi à la prairie, il y a pas mal de choses, notamment la soirée évidemment de Durvie, Guinguette à la plage, Durvie qui reprend sa saison à la plage, sa saison 2016 avait été impressionnante, comment sera celle de 2017, je crois que c'est plutôt pas mal parti, et donc cette fois-ci ce sera Session Victim, Léopold en live, Nick V, et je ne me souviens plus là de tête des autres, c'est organisé avec Time Out Paris, donc voilà une coproduction entre Durvie et Time Out à la plage, pour un samedi, voilà, quand vous partez de la prairie, allez au Glazart, c'est très bien, je crois que ça commence à 17 ou 18h et ça se prolonge jusqu'à 7h, donc voilà, il y a de quoi manager les deux, il n'y a pas de problème. Sinon en open air, il y a aussi le collectif Rich House qui fait une après-midi à Gif-sur-Yvette, mais là c'est encore plus loin que Bobigny, donc est-ce que ça vaut vraiment le coup? Non, sérieusement, leurs soirées sont très cool, donc vous pouvez y aller si jamais vous voulez pas aller à la nôtre. Ensuite, et là je viens à quelque chose d'assez important, hein, qui s'est passé, c'est le sublime line-up de la Concrète pour samedi soir, pour la soirée Balabouchka Release Party, où vous pourrez voir toute la nuit à Concrète Con9, Gabriel et Sandro, LB à Kalabat, Madre, Mézig, Monomite, New Graphic, Promesse et Fouamille. Donc voilà, énorme teuf, deep, acid, techno, breakbeat, enfin voilà, en tout cas très électronique, mais ça va être absolument monstrueux, c'est samedi soir, donc du coup après la prairie, à Concrète. Et ensuite, est-ce qu'on a quelque chose pour le dimanche? Pour le dimanche, il n'y a pas grand chose, pas quelque chose qui mérite d'être mentionné, en tout cas, à part peut-être la réouverture du squat Péripat, si vous avez envie d'un peu de glauque, mais bon là il fait quand même très beau, donc peut-être que vous avez pas envie de vous enfermer dans un squat. En tout cas voilà, Péripat fait une soirée dimanche, ça faisait longtemps qu'il n'y en avait pas eu, donc peut-être que c'est le moment d'aller y passer une tête. Voilà, ce sera tout pour l'agenda du week-end, je vais céder la parole avec Léo pour notre avant-première de la semaine, et ensuite on se retrouvera pour l'interview de DJ 1-2, je te laisse la parole. Et cette semaine, du coup, on vous présente en avant-première le nouvel EP de Jemil. C'est prévu le 3 juillet sur le label Vibraphone. Ça s'appelle Forces and Gravity. Et c'est ce qu'on peut appeler une production musclée. Juste un mot sur Vibraphone, label underground italien qui ouvre ses portes en 92, mais qui les ferme un an après pour revenir en 2015 avec un EP de Bermuda Triangle. Des compilations et quelques best-of plus tard, Vibraphone dévoile donc cette EP de Jemil, dont on ne sait pas grand-chose à part que c'est un artiste tout frais et à suivre de très près. On vous fait donc découvrir le premier EP du même nom, Forces and Gravity, le titre pardon du même nom que l'EP, qui est prévu le 3 juillet sur Vibraphone, et du coup c'est tout de suite en exclu sur Make It Tip. Thank you. Voilà, donc en avant-première, c'était Jemil avec son nouvel EP qui s'appelle Forces and Gravity. Le titre portait le même nom et ça sort le 3 juillet sur Vibraphone. Merci beaucoup à Vibraphone Records pour cette première big up. Voilà, vous l'entendez tousser. Kevin est dans les studios, DJ 1-2, on s'envoie un jingle et c'est parti pour l'interview. Salut. Salut. Merci d'avoir accepté notre invitation. Merci à toi de m'avoir invité. Bah, avec grand plaisir. Dès qu'il y a du bon son, on est partant. Alors, on va commencer par une question traditionnelle de l'émission. Est-ce que tu peux nous raconter un petit peu ta formation musicale et nous dire comment est-ce que tu en es venu à produire de la musique électronique ? Alors, j'écoutais beaucoup d'hip-hop avant, beaucoup de rap français surtout. Ma sœur m'a un peu plongé dans la house, elle qui est un peu plus vieille que moi et qui commençait à sortir. M'a invité à un défilé de mode et le DJ jouait de l'électro et je suis parti le voir, il m'a filé un CD d'une compilation DJ Kicks, celle de Tiga. Je suis tout de suite tombé amoureux. J'ai commencé à écouter de la house, commencé à produire ensuite quand je suis parti chez mon cousin à Londres et lui il commençait à faire des beats sur Fruity Loops sur son ordi avec sa souris. Je me suis dit, putain, c'est cool, je vais me le prendre le logiciel, j'ai commencé à faire du son. Beaucoup d'instruits hip-hop, beaucoup d'instruits house, sans aucune prétention. En fait, l'idée c'était de faire du son sans me dire que j'allais sortir. Et un jour, j'ai fait un track en drugs. Je l'ai fait, 2 ans après, un pote l'a fait écouter à Jeff de Tiller. Jeff s'est dit, putain, moi j'ai une marque, mais avant tout, je suis DJ. J'aimerais bien créer un label, viens, on sort ton track. On a sorti le track, il y a eu le clip, et ensuite, boum bam, moi j'ai continué à faire du son à côté. Et ensuite est venue la rencontre avec Joss. Et, on va venir à tout ça. Mais là, okay. C'est un résumé très rapide en fait. Ouais. Et du coup, comme tu nous disais, t'as commencé par le hip-hop. Et donc on le sent dans la manière dont t'abordes tes productions, que c'est extrêmement présent puisque tu samples énormément. Est-ce que tu penses que finalement, comment est-ce que le hip-hop t'accompagne en fait Disons il est que... au centre ou. Non, il est dans un coin de ma tête en fait. On retrouve un peu ce groove dans l'hip-hop que... Enfin, on retrouve un peu du hip-hop dans la house. Comme tu dis, dans l'utilisation du sample, tout de suite, quand on pense à hip-hop, on pense à toutes les productions de DJ Premier, DJ Dilla et tout, qui même utilisé des samples et même les mêmes instruments que certains producteurs house. Donc forcément, on peut allier le hip-hop et la house, c'est sûr, certains... Voilà. Et tu le fais. Exactement. Ouais. Ok. Moi, je me posais une question. Pourquoi DJ 1-2 ? Alors, 1-2, c'est un nom tout con en fait. Moi, je suis Sri Lankais d'origine. D'accord. J'habite à Vitry et à Vitry, j'étais le seul Sri Lankais, mais on m'appelait l'Hindou. Donc, après, j'ai commencé à graffer quand j'étais jeune et je taguais l'Hindou, mais sauf que c'était trop con parce que tout le monde savait que c'était moi. Donc, je me faisais gronder par tous les gens du quartier. Donc, j'ai commencé à faire un jeu de mots sur Hindou. Ma mère, qui est Sri Lankaise, parle avec un accent et quand elle dit un 2, elle dit Hindou. Donc j'ai dit allez pop, je vais prendre un 2, j'ai commencé à taguer, c'était pour un trip. Et quand j'ai commencé à faire du son, que j'ai créé ma page MySpace, je savais pas quoi mettre. Et j'ai dit allez, je vais mettre un 2. Et ce putain de nom de merde est resté avec moi et maintenant je l'assume. C'est une question de principe, je l'ai gardé jusqu'au bout. Okay. Mais c'est une galère pour le référencement, c'est pour ça que j'ai rajouté une astérisque sur le truc. Ouais. Ok, du coup t'en parlais rapidement là tout à l'heure, mais est-ce que tu peux l'aborder en détail maintenant, puisque ce qui t'a un peu révélé c'est quand même ton intégration au Crew Tiller, qui je le rappelle ici est à la base une marque de t-shirt, et qui a connu un succès exponentiel donc, et comment s'est fait un peu la rencontre avec le Crew, est-ce que tu peux me raconter justement alors, du coup en détail ce que t'abordais il y a quelques instants. Alors c'est le destin je pense, en fait en gros moi je viens de Vitry et j'ai des amis, notamment Xavier qui... Son cousin Jeff est le patron de Tiller, donc Xavier a commencé à travailler chez Tiller. Il était dans la production de t-shirts, donc dans la cave à l'atelier. Et quand il travaille, il passe du son, il joue un de mes sons, il dit « c'est quoi ?» Ben, il dit « ouais, c'est un pote. Allez, présente-le moi, ça s'est fait. » Jeff, qui est une machine à idées, qui est le DA de Tiller, c'est lui qui invente enfin, tous les modèles, tout. C'est vraiment le vrai directeur artistique. Et il m'a dit « Kevin, vas-y, viens, on le sort et on va faire un clip, j'ai une idée de dingue, on va mettre des meufs et elles sont là à couper de la weed et tout, viens au bureau, tu vois. » Je sors du taf, j'y vais, et le temps, sur le chemin, j'arrive, il me dit « Tiens, j'ai une autre idée encore mieux. » Et il a trouvé cette fameuse idée du passe-passe le joint. Et il l'a eu en 10 minutes, l'idée, il comatait sur son ordi, il s'est dit « Mais en fait, non, c'est bon, je l'ai... » Donc on a commencé à faire ce clip, je lui ai donné carte blanche, on a sorti mon track Androgs avec Chopping Day dans l'EP. On n'était pas vraiment un label, donc ça a été du free download. Ensuite, moi, c'est un track déjà que j'avais créé il y a 2 ans, ça. Donc, Entre temps, j'avais produit d'autres tracks, donc après on a créé un vrai label, une vraie structure, avec un vrai distributeur, j'ai commencé à sortir d'autres tracks. Maintenant, j'en sors beaucoup moins sur Tiller. Ça reste du digital. Ça reste du digital, d'accord. Parce qu'on... En fait, en gros, l'idée, c'est on sort des tracks, mais on n'a pas cette prétention d'être un vrai label, parce que c'est un métier, quoi, de travailler dans un label. En fait, on sort surtout de la musique pour faire des soirées. Mais on va y venir, justement, parce que là, c'est un peu la question que j'avais ensuite. C'est justement, je me posais la question, parce que est-ce que toi, t'as perçu certaines limites dans le fait de faire partie d'une structure dont la musique n'est pas l'activité principale, justement, genre. Ça, c'est une bonne question, mais en gros, pour moi, la mode, c'est vachement lié avec la musique. Ouais. Tu vois, t'en parlais de la fête de la musique, il y aura les mannequins et tout. Moi j'ai mixé beaucoup pour des soirées pour la Fashion Week et tout. C'est un art, donc c'est forcément la mode et la musique sont liés. Et puis comme je t'ai dit, Jeff, qui est lui directeur artistique de Tiller, il était DJ avant, tu vois. C'est un DJ hip-hop scratcher, donc la musique faisait partie intégrante du truc. Et puis la musique, c'est aussi enfin moi j'ai fait de la com, tu vois, c'est un moyen pour aussi humaniser une marque, tu vois. Ça rajoute un plus à la marque. C'est un aspect de com aussi. Exactement. Mais oui, mais justement, parce que effectivement, il y a tout l'aspect de com, et finalement, j'ai regardé Tiller Records, c'est assez sérieux. Mais comme tu le disais, c'est pas leur métier, et donc du coup, forcément, t'as des plafonds, j'imagine. Enfin, je sais pas, je te pose la question parce que je sais pas. C'est pas notre métier. Après, moi, je suis un peu menteur parce que moi, je travaille dans un label de musique maintenant depuis 4 ans. Mais sauf que j'ai pas forcément de temps à me consacrer à Tiller Records. Maintenant, Tiller Records, j'ai plus une fonction de DA, c'est-à-dire je vais aller chercher des artistes et les signer. D'accord. Maintenant, on leur vend pas de rêve, on leur dit pas qu'on va faire des disques d'or ou qu'on va être playlisté partout, mais l'idée c'est de sortir des tracks pour ensuite faire des soirées. Nous, notre kiff, c'est de faire des teufs en fait. C'est de mixer et d'avoir un crew, de créer des trucs. Bon, après, si la musique marche, tant mieux, tu vois. D'accord, et donc Tiller Records, c'est un peu un moyen justement de sensibiliser sur les soirées Tiller. Exactement, nous en fait, on veut faire profiter de la notoriété de la marque à ces artistes. C'est ça l'idée, c'est vraiment l'idée de faire un tremplin des petits artistes. C'est viens chez nous, on va pas peut-être te vendre des milliers de singles, mais tu viens chez nous, tu peux profiter de la notoriété de la marque, tu fais du bon son et on fait des bonnes soirées. Voilà, c'est un échange en fait, en gros. Ok. Est-ce que, t'as récemment intégré donc le label Ondulé Recordings. Yes. Tu disais que tu faisais moins de tracks sur Tiller, c'est aussi la raison, j'imagine. Et donc sur lequel t'as signé 2 EP depuis janvier 2016. Comment s'est fait un peu la rencontre avec les Seb et avec Bernard? Alors Seb, un des Seb, Joss Moog, je le connais depuis assez longtemps. Je peux pas dire comment, mais on s'est rencontrés à Vitry. Voilà. Vitry, tout s'est fait à Vitry. Et en gros, moi je l'avais retrouvé sur MySpace et on s'était perdu de vue. Je l'ai retrouvé sur MySpace, on a parlé. On a toujours gardé contact. On s'appelait toujours à chaque fois parce qu'il savait que je faisais du son. Moi je l'ai envoyé pour avoir des conseils. Et un jour, il m'appelle, il me dit voilà, on crée un label Ondulé. Mais sans me demander de prod, et un jour, moi, je fais une prod, je lui dis, écoute, est-ce que ça te plaît? Il me fait, putain, il me rappelle 10 minutes après, il me dit, mec, c'est bon, vas-y, là, tu viens dans la famille, tu signes. Et moi, vraiment, j'avais peur un peu avant de l'envoyer, j'étais un peu réticent à l'idée de dire, bon, on se connaît, mais bon. Il a été très objectif, il m'a dit, ouais, c'est de la balle, on le signe, et du coup, maintenant, l'aventure est lancée, quoi, avec les gars. Ok. Et justement, la question que je me posais, c'est, on a l'impression que les morceaux sur Tiller Records sont plus conçus pour être des bombes dancefloor, mais maintenant, t'as un peu répondu à ma question, d'une certaine manière, parce que c'est fait aussi pour les soirées, alors que tes productions sur Ondulé, elles sont plus deep et peut-être aussi plus exigeantes dans le choix des samples. Est-ce que t'as deux approches diamétralement opposées concernant les deux labels? Alors, ou la démarche, est-ce qu'elle est sensiblement la même, au final? Non, totalement différente. En fait, moi, je me concentre sur Ondulé parce qu'avec Ondulé j'ai senti une progression, parce que bosser avec Joss Moog, Aaron Seven et Bernard, c'est vraiment stylé en fait. C'est à chaque fois ils te remettent en question sur ta prod. J'ai fait peut-être au moins 25 versions de tous mes morceaux, tandis qu'avec Tiller, moi j'avais cette facilité où il n'y avait aucun boss, c'était moi le boss, d'ailleurs je sortais ce que je veux, donc j'avais pas de recul sur mes productions. Et alors là, c'est pour ça que j'adore bosser avec Ondulé. Maintenant, avant de sortir un track, je mets un an avant de sortir un EP à chaque fois. Sur un EP de 3 tracks, là, mon dernier, j'en avais fait 10 avant. On avait validé un EP de 4 morceaux en juin. En septembre, ils m'ont tout refait annuler et on en a fait 3 autres. D'accord, tu vois le truc? Et donc, c'est trop cool parce que maintenant, avec le recul, je me dis putain. Bah grâce à ça, j'ai réussi à progresser, tu vois. Ouais, parce que t'es avec des producteurs aussi aguerris qui te exactement donnent des conseils, qui exactement te poussent à aller plus loin, quoi. C'est ça, c'est des vrais professeurs, c'est des teachers, tu vois, des house teachers. Et avec eux, j'apprends grave. Et du coup, maintenant, ce petit savoir-faire, j'essaie de le faire avec Tiller Records. Maintenant, quand on signe des gars, j'en demande un peu de faire des modifs. Bon, après, j'ai pas non plus le niveau de Joss et Aaron, mais... Mais l'idée, c'est de faire ça maintenant, c'est de faire croquer tous ces petits nouveaux talents, quoi. Ok. Et du coup, moi, je me posais la question, il y a du coup de cette évolution là dans le côté un peu plus technique de la chose. C'est vrai qu'au niveau de Tiller, on avait l'impression que t'avais un côté plus rentre-dedans, plus lourd au niveau de la track, alors que maintenant, genre, on voit bien que tout est plus calculé, plus... tes samples, tu les sélectionnes de la même manière, par exemple, ou Sur Tiller, j'ai sorti un EP on drugs. Moi, ça, c'était des tracks, dans mes débuts, je les ai fait sans vous mitonner, en une heure. Ouais. C'est des tracks, mais qui marchent, hein, je suis content. Tandis qu'après, il y a eu un autre EP très travaillé, j'ai travaillé pendant un an, c'était Rose, où il n'y avait que de la compo, aucun sample. D'accord. Ça, c'était juste un défi que je voulais me donner, savoir si je pouvais vraiment faire des tracks sans sampler. Et ça a marché, c'était pas vraiment house, c'était plus des instrus en fait, en gros. Et après, il y a eu un autre track, un autre EP qui est No More Banger, et celui-là, franchement, j'en ai pas honte, mais j'en parle pas parce qu'en fait, je l'ai bâclé. C'est un truc où j'étais dans une période de stress où je me dis, putain, j'ai pas de date parce que j'ai rien sorti, et j'ai fait un EP dans la rage. Donc, les enfants, si un jour vous vous dites ça, ne faites jamais cette erreur, ne vous précipitez pas, ne sortez pas n'importe quoi. Prenez le temps, prenez du recul et faites écouter vos morceaux aux autres et tout. Moi, No More Banger, je pense que c'était l'erreur, pas l'erreur de ma vie, mais une connerie, quoi. Ok, d'accord. Voilà. Et oui, c'est vrai que sur Ondulé, maintenant, je prends beaucoup plus de temps, beaucoup plus de recul sur mes prods. Ok. Bah, en tout cas, ouais, c'est clair que ça sent et que le dernier EP était mortel. Ouais. Et on va venir, du coup, là, tu parles de ce qui se passe aujourd'hui un petit peu, donc on va venir à ce qui se passe là maintenant, de ce qui arrive dans les prochains mois, ce qui est chaud. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu des dates qui arrivent là pour cet été? Alors, des dates, c'est pas le néant, mais en fait, en gros, là, j'ai eu une grosse date, le brunch électronique qui m'a posé un peu une exclusivité sur Paris, donc j'ai pas pu mixer. Et la prochaine, il y en aura une à Biarritz en août et une à la Baule. Et je pense que celles de Paris vont se confirmer dans la semaine, donc je peux pas en parler. D'accord, ok. C'est ça. Et, ouais. Et au niveau des sorties, du coup, au niveau des prochains... Au niveau des sorties, je bosse déjà sur mon prochain ondulé, ouais. Mais qui sortira, je pense, dans longtemps, en janvier. Mais maintenant, étant donné que les délais de fabrication de vinyle et tout sont très importants, donc je dois livrer l'EP en septembre. Il y a une sortie sur Ondulé, peut-être sur un autre label, mais c'est confirmé, mais en fait non, c'est moi, c'est juste que là en ce moment je suis dans une période où tout ce que je fais c'est de la merde, c'est-à-dire je fais des prods, je viole ma MPC dans tous les sens et rien ne sort. Bon, ça arrive, hein, tous les producteurs vont reconnaître un peu ce moment-là, c'est-à-dire où tu fais des sons et rien ne sort. Bon, là je me dis que juillet, août, je pars pas en vacances, je vais pouvoir taffer dessus. Ok, cool. Mais l'EP d'Ondulé est presque prêt. Ok, et on va venir à la dernière question de l'émission, la question traditionnelle. Si jamais demain ton appartement se met à brûler, ce que je te souhaite pas, et que t'as quelques minutes avant de sortir, c'est un peu chaud, et que là à la volée comme ça tu peux prendre que 3 disques, lesquels est-ce que t'embarques? Ah putain, 3 disques, oh là la merde. Déjà je vais prendre une copie du mien, parce qu'il est très important pour moi, c'était mon premier vinyle, donc du coup j'aimerais pas en perdre. Il y a quoi? Il y a l'album de Mehdi, d'Espionnage, c'est sûr et certain, parce que celui-là je pourrais le revendre cher. et le troisième, j'ai rien en tête. Je dirais un que j'écoute beaucoup. Non, je sais pas. Là tu me prends de. Un dernier là, un dernier, comme ça, esprit, un album de cœur. Ah oui, non, album de choix, peut-être. Non, peut-être. Bah en fait, il y en a un que j'écoute, mais je sais que je pourrais le racheter, tu vois, mais c'est l'album de Kendrick que j'ai pris, c'est sûr, voilà. Ok, ce sera le mot de la fin, on va s'envoyer un petit jingle, et puis c'est tout de suite DJ 1-2 pendant une petite heure sur Make It Deep, on se retrouve juste ensuite. Monday.

marche à personne. Bando. Woo! We'll be right back. Thank you. Face.

C'était DJ 1-2 sans m'inquiéter. Merci, merci. On remercie Jérémy Underground pour m'avoir fait découvrir ce dernier track qui est de Willie Washington. Le morceau s'appelle Ain't No Running Away et c'est le Reconstruction Mix. Allez-y, allez l'acheter. Voilà, apparemment c'était un moment extraordinaire au festival Radio Meux. Exactement. Big up à nos confrères. Et big up à toi, merci pour ton set, merci d'être venu. Merci à vous de m'avoir invité. Avec grand plaisir. Du coup, on te souhaite le meilleur pour la suite et la prochaine date, rappelle-la nous. Il y en aura sûrement une à Paris bientôt. Ah, elle n'est pas confirmée, mais elle va se confirmer dans les semaines à suivre. Et il y en aura une à Biarritz en août et une à La Baule. J'ai plus les dates en tête, je suis désolé, mais elles seront annoncées sur ma page très bientôt. Voilà, suivez 1-2 sur sa page Facebook. Nous, on se dit au revoir jusqu'à la semaine prochaine. Ce sera sûrement la dernière émission d'ailleurs la semaine prochaine. On vous en dit plus. On vous en dit plus. Et là, avant, évidemment, deux échéances. Samedi, à la prairie du canal, à Bobigny, ferme d'agriculture urbaine montée par la sauge. On pose 7 kW de système son, entre beaucoup d'autres choses, avec nos copains Into the Deep, Unart et Schinner de Paname qui seront là pour mixer de midi à 22h. Avec le mec Deep Sound System, à chaque fois je nous oublie, c'est pas possible. Le mec Deep Sound System, évidemment, qui sera aussi présent. Ça va être énorme, venez, voilà, on va passer tout soul, funk, brésil, jazz funk, house, techno, broken beat, breakbeat, bref, il y en aura pour tous les goûts. Soyez là, ça va être monstrueux. Et évidemment, mercredi ensuite, fête de la musique. Avec les mannequins. Avec les mannequins, ouais, ça il a retenu. 200 mannequins à Parmentier, ça se manque pas, soyez là. 200 mannequins, mais aussi KM3, Aurélien aka KM3, Ségur. Le copain de Briefly Established, Devly qui est derrière les consoles là pour le Make It Deep Sound System, Louis aussi pour le Make It Deep Sound System, et enfin Aka Jetboy de l'Ave Maria. Ça s'annonce monstrueux, soyez présents là aussi. On va s'envoyer un petit jazz, là c'est pas vraiment un jazz, il faisait trop beau, j'avais envie de petites vibes brésiliennes. Donc du coup, merci d'ailleurs à Step, à qui j'ai acheté le disque samedi. C'est une BO en fait qui est sortie dans les années 70, je crois. Une BO d'un film qui s'appelle Les Étoiles et qui a été composée par des artistes brésiliens. Le son s'appelle Boom Chica Boom Boom, un truc comme ça. Voilà, on se l'envoie et puis je vous dis à la semaine prochaine. Profitez bien du soleil, ciao. E para terminar, vocês devem cantar tica tica bum, tica tica bum, tica tica bum, tica tica bum, bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum E para ter